chevaux qui vient la nuit dans notre enclos et les choisit à leurs sabots. Maman, je suis amoureuse de ce voleur de chevaux. Les yeux des voleurs, ma mère, sont bien les yeux les plus beaux. Quand la maison est endormie de mon balcon, je l'avertis. Les yeux des voleurs, ma mère, sont bien les yeux les plus beaux. Les paysans et mon père le cherchent avec leur fusil. Il est maman, là sous mon lit. Et votre enfant tremble pour lui. Oh, protégez-moi ma mère des coups de votre mari. Nous attellerons la charrette avec les deux chevaux noirs. Il y aura des violons de fête, vous m'offrirez une armoire. Et quand repenti un voleur de chevaux se marie, le bon Dieu est heureux au paradis. Maman, je suis amoureuse de ce voleur de chevaux qui vient la nuit dans notre enclos et les choisit